Et de la nouveauté, il y en a bien évidemment dans l'aspect française, puisque doublette de nouveautés tout de suite maintenant. SUP, tout d'abord, formation historique française qui nous vient du nord de la France. Musicalement, on est toujours sur, bien sûr, quelque chose d'assez avant-gardiste, hein, pour la faire à peu près simple au niveau de la biographie de SUP. C'est un groupe qui a vu le jour au milieu des années 90, vendu un peu comme la suite du groupe Suppuration, qui était du death prog à l'époque, hein. Même Zikos, hein, musicalement, ça navigue, comment dire, on retrouve des incohérences forcément, mais ça reste différent dans le fond. Depuis 2003, la reformation de Suppuration a permis à SUP d'exister en parallèle. Voilà, ce nouvel effort de SUP voit le jour 4 ans après le précédent. Voilà, un mélange, comme je disais, un peu death, un peu doom, un peu goth. C'est froid, c'est presque indus. Et voilà, si vous découvrez SUP, penchez-vous également forcément en parallèle sur la discographie de Suppuration. Vous en serez ravis, c'est sûr. En doublette, Liquid Flesh, groupe qui nous vient de Grenoble, actif depuis bientôt 10 ans. Ils sortent là leur troisième effort studio. On est sur un death à tendance old school, je dirais pas rigolard, c'est juste que ça se prend pas trop au sérieux au niveau des inspirations. Thématique autour des films d'horreur, utilisation de textes en français, musicalement en termes d'influence, on est sur quelque chose d'assez proche de Nécrophagia, Master et autres autopsies. C'est dégoulinant sans être ultra crado, c'est pas malin, mais c'est bien foutu. Voilà, Liquid Flesh à découvrir tout de suite. SUP, tout d'abord, le titre Note Icarus, extrait de l'album Octa. Liquid Flesh, la danse des ombres, extrait de l'album Dolores. C'est parti. Dans la doublette suivante, on a une nouveauté encore, mais tout d'abord, on va s'écouter Fardo, récente formation d'avant-garde black metal qui nous vient de Lille. Voilà, quelques singles ont été balancés par-ci par-là, et là, c'est un Perumé véritable et Fort Studio longue durée qui voit le jour. En tête des inspirations, on retrouve Despel Omega et autres Aosos. C'est du black dissonant, menaçant, étouffant, très efficace, avec une touche Brutal Death dans les parties de batterie, puisqu'on retrouve Mister Matraque, qui tape actuellement chez Dark Old Slave et Sublime Cadaveric Décomposition. Une belle identité musicale donc au sein de la musique de Fardo. Et en doublette, donc nouveauté dans l'aspect française de ce soir, Eurydice. On est sur Black Ned Hardcore qui nous vient de Lyon, actif depuis quelques années, ayant eu l'occasion de jouer avec Iron Deficiency, Cavalry et autres Earth Surges. Ils nous sortent là un premier EP, 4 titres pour à peine 2 minutes, hein, c'est très bref. Et c'est radical. On est sur du metal hardcore assez classique avec des éléments black metal qui viennent renforcer vraiment le côté agressif et malsain. Notez que c'est une vocaliste qui tient le micro chez Eurydice. Musicalement, on va s'écouter tout de suite le morceau Le Prologue de Fardo et ensuite le titre Your Look extrait de Inner Contemplation, le premier EP de Eurydice. C'est parti. I will stay. Spinebreaker, c'est la suite et le groupe porte terriblement bien son nom. C'est une formation de death teintée de hardcore qui nous vient de Californie, active depuis une dizaine d'années. Ils ont tout récemment sorti un nouvel EP. Au niveau du line-up, hein, on retrouve des membres de Gulch et autres Tsunami. Voilà, pour donner un petit peu les inspirations en termes de hardcore, et puis voilà, ça fait vraiment partie de cette scène Revival Death Rican, un peu old school, qui intègre les éléments du hardcore les plus violents, avec une petite touche même de death suédois dans le fond, un petit peu voilà, à la sauce Get Creeper. Et en doublette, encore une formation californienne, Initiate. On est sur du hardcore punk hardcore, c'est une chanteuse ultra vénère qui tient le micro. Une sortie Triple B Records, tout comme Mind War, on a dit coup, et écouté un peu plus tôt. Et d'ici quelques semaines, on s'écoutera le nouvel effort de Spy, pareil, du hardcore ultra vénère. 10 titres pour une vingtaine de minutes, c'est radical, c'est frontal, les vocaux ultra colériques agressifs, et qui viennent dénoter avec les parties un peu plus mélodiques au niveau des guitares. La recette est vraiment bien cool et hyper catchy. Qu'est-ce qu'on peut ajouter en anecdote de présentation? Et bien tout simplement, la vocaliste de Initiate est venue faire des petits backing vocals sur le titre Pain into Power de Terror sorti l'année passée, aux côtés de Madison Watkins, la vocaliste de Year of the Knife, voilà. Ça donne un petit peu le niveau de colère et de hargne qu'elle possède. Et puis au niveau du chant de Initiate, on est limite sur du hardcore grindcore. Voilà, un peu la sauce Year of the Knife. Donc voilà, des formations super cool auxquelles s'intéresser. Spinebreaker, Infinite Christ, Initiate, Waste Your Life, extrait de l'EP Cerebral Circus. C'est parti. We'll be right back. Doublette suivante, Dawn of Ouroboros et Dead Chasm. Dawn of Ouroboros, une formation de plus qui nous vient de Californie, active depuis 5-6 ans maintenant. Ils nous proposent du post-black, black prog, selon les titres. Voilà, c'est porté par une femme qui a un timbre agressif et criard, et qui place par-ci par-là des lignes de chant clair, donc voilà, ça vient un petit peu se mêler aux parties mélodiques et même aux nappes de clavier. En termes de résultats, on est sur quelque chose assez proche d'un Neoblivis en plus black metal. Doublette, Death Chasm, c'est du Death qui nous vient d'Italie. C'est une chanteuse-guitariste qui mène le combo, un trio qui nous balance du Death bien crado. Une trentaine de minutes hein, pour ce nouvel effort studio qu'on peut rapprocher d'un Corpsest, Dead Congregation et autres. Ça rigole zéro et c'est caverneux à souhait pour Death Chasm. Dawn of Ouroboros tout d'abord, Healing Ground, extrait de l'album Velvet Incandescence, Dead Chasm, mais ensuite Impious Embrace, extrait de l'album Subluminis, Ignotum Omni, et tout ça, c'est déjà dispo. On approche tout doucement de la fin de l'émission de ce soir, parce que c'est la dernière doublette, on aura temps encore de s'écouter un titre tout seul juste après. Bloodstar et Ernt, c'est la dernière doublette pour aujourd'hui donc. Bloodstar, c'est du hard rock ricain très heavy qui nous vient tout droit de des États-Unis, mais ça j'ai déjà dit, pardon, qui existe depuis 5-6 ans également. On est sur du heavy traditionnel ricain à la sauce Visigoth, Night Demon, etc. C'est tubesse, c'est catchy, c'est surtout hyper léger. Et en doublette, Ernt, là ça nous vient de Suisse, c'est du black. Toute récente formation hein, qui vient de sortir son second effort studio. Le premier avait vu le jour l'année dernière. 50 minutes, un album assez généreux, des compos qui font 5-6 minutes à peu près. C'est une femme qui tient le micro, c'est criard, c'est hargneux, et ça colle parfaitement bien à la musique occulte et crue de Ernt. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Eh bien tout simplement ce qu'on va s'écouter. Bloodstar, Wait to Die, extrait d'album First Sighting. Ernt ensuite, Eyes of Oblivion, extrait d'album Alpsegen. C'est parti. Feel. Et on se quitte dans l'émission de ce soir avec un nouvel extrait du tout récent groupe de death metal qui nous vient de Ankara en Turquie, Abolish. Ils sortent là leur premier effort studio longue durée, 7 titres, des morceaux qui font 5 à 7 minutes. Pareil du Cavdes, hein, c'est morbide, c'est parfois doumisant, ça se rapproche un peu d'un Dead Chest qu'on a pu s'écouter tout à l'heure. C'est également une femme qui tient le micro, beaucoup de formations avec des musiciennes, hein, Morn Woman on Stage, mais également Morn Woman on Air dans les émissions. Voilà, ça se rapproche d'un Disma, Grave Miasma et autres Cerebral Rot. Et bien sûr, faut deviner que c'est une femme qui tient le micro tellement les parties vocales sont ultra vénères et au niveau du timbre de voix, c'est pas évident à dire. Abolish Rings of Empire, extrait de l'album From the Depths. Sur ce, excellente fin de soirée à toutes et à tous et rendez-vous dimanche prochain, ce sera pour une émission en direct cette fois. Ciao ciao.